je suis gentil et toi tu es méchant. Il n'y a pas de gens différents de cette ligne. Un culte comme un âne, pourtant tu es parfait. Mais pitié, deviens fan de l'art et de ses mets. Alors que les livres sont nombreux, qui rend les gens plus heureux. Entre frères d'armes littéraires, nous avons des personnes avec quelques défauts, mais pas un misère, leur qualité nous étonne. Pourquoi l'homme de lettres ne serait pas stratège contre ceux qui désagrègent les flammes du mal-être fomentées par quelques gars, suçant la conscience du bien dans des esprits bien affables qui n'ont rien de plébéien. Serait ostracisme. Le style n'est pas que sens. Le rythme des vers est une essence. Dialectique des passes manichées.